Entre 16 et 18 heures. Tolina li a mon appétit à 12 heures. Toi, Peba, nous étions été. Ebusa, ahiru mbolo Ardua zanyia wanga mei